O quê? Quem é? Branlito? Le plus chaud de tous les Baptous? Quem é? Jello Beats, holla at me. Beach? C'est mignon les chansons d'amour. Mais il faut que je sorte du lourd. Je te frappe, mais n'appelle pas au secours. Je tape dans ta chatte comme sur un tambour. Ils veulent cette dose telle les pigeons et Call of Duty. Mes fine girls prennent la dose à la source et elles se mettent accroupies. Assis sur mon zizi, le rap game jouit, je l'entends d'ici. Une terreur parmi les fragiles, je sors le javelot en cas de conflit. Je l'enfonce dans ton anus et te bouffe la chenette en brochette. Et jacque sur 8 femmes, je passe mon pénis en mode mitraillette. Je viole le rap à chaque chanson, multirécidiviste. Si le rap est une musique de noir, j'en suis l'esclavagiste. Nudiste depuis la naissance, tu verras forcément la totale. Que tu le veuilles ou pas, je l'envoie par MMS. Comme Soral, je suis pas un haut niga, mais un show de la bite, elle crache mes lyrics. Trempé dans la harissa et la marmite de Panoramix. J'oublie pas d'où je viens, donc je vais croquer mes potes Patrick et José. On est trois mecs et une meuf, ça devient une soirée arrosée. Dans des moments de faiblesse, je pleure et je deviens jaloux. Jaloux pour une meuf qui se fait gicler dans les yeux et dans le cou. Capoué, le Baptou est chaud, déterminé. Le pénis en pente, 131 degrés. Et gros, le Baptou est chaud, déterminé. Le pénis en pente, 131 degrés. Le Baptou est chaud, déterminé. Le pénis en pente, 131 degrés. Le Baptou est chaud, déterminé. Le pénis en pente, 131 degrés.